Go back to bed, America. Your government is in control. Alors, un paradis fiscal, c'est quoi? Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. Si on n'y prend pas garde, ces contradictions vont atteindre un jour un point de rupture. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Que l'économie doit être au service du reste des liens humains. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Bonjour à tous, ici David Lemelin et bienvenue à Econophile. On est là, hein? Il y a eu des problèmes de courant cette semaine, mais on est là. Dure semaine pour Trump? Ah oui, hein? La Cour qui bloque le décret migratoire pour une deuxième fois. Si bien que Trump fait appel pour bloquer le blocage. Après ça, gros cafouillage dans le dossier de l'écoute électronique. En anglais, le président s'est plaint de wiretapping, donc d'écoute électronique en bonne et due forme, là, comme dans les films. Puis le temps passe, ben on trouve pas de preuve de ça. D'un côté de la chambre ou de l'autre, rien du tout, ça n'existe pas. Alors le porte-parole de la Maison-Blanche, le funambulesque Sean Spicer, qui répond « Oui, oui, mais tu sais, il voulait pas dire formellement poser des micros, genre, mais tu sais, surveiller, là, hein? Ah, juste surveiller, OK. Donc il ment. Ça vient d'où, d'abord? Ben, le président, il a lu ça, là, tu sais, ça vient de Fox News ou quelque chose du genre. C'était n'importe quoi. Les journalistes ont d'ailleurs récemment demandé « Mais comment on fait pour savoir quand le président dit la vérité? » Alors Spicer a répondu « Ben, quand le président fait pas une joke, il dit la vérité. » Il a vraiment dit ça. Parce qu'il fait des jokes. Ah! Eh ben, c'est... Ben justement, il en a fait une solide avec son budget. On coupe dans les dépenses liées à l'environnement, au climat, dans le soutien aux aînés, on supprime l'aide aux élèves démunis, on coupe la nourriture des plus pauvres, plus d'aide à la radio et la télévision publique, on coupe l'aide au milieu artistique. Wow! Elle est bonne, hein? Elle est effrayante, là, comme disait l'autre. Là. Et on gaspille 54 milliards dans la défense. Hein? C'est ça, l'America Great Again? Ouais, elle est bonne, elle est bonne. Elle est mortelle, même, cette joke-là. Bienvenue à Econophile. Et vous voulez nous retrouver sur les internets, les réseaux sociaux, sur le blog, ben on est là, allez aimer la page sur Facebook pour nous suivre, facebook.com/econophile891. Et puis, pour trouver le blog, en fait, vous avez deux façons. Le bouton « En savoir davantage » sous le bandeau de notre page Facebook ou encore, vous allez sur econophile.net et vous y arrivez directement. Econophile.net pour lire des textes inspirés des livres que nous vous présentons, incluant une référence du livre en question pour vous permettre de lire en attendant le prochain gag de Trump. Et puis, vous y trouverez aussi la balado qui donne accès aux trois dernières émissions, ainsi qu'à la totalité des émissions qui sont disponibles dans la section « Émissions ». They come from everywhere to take the challenge. Great balls of fire. My eyes adored you. That's it. Do that to me one more time. Yeah. Tonight's the night. Yes, ma'am. And if they can name it, they can claim it. Road 66. Alors maintenant, c'est le temps de parler à mon collègue. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour David. Eh bien, deuxième semaine donc à traiter de cet ouvrage, ce livre très intéressant, Alternative à la globalisation économique, un ouvrage collectif, 21 auteurs, sous la direction de John Kavanaugh et Jerry Mander. Donc la semaine dernière, on parlait des pistes et des avenues qui sont proposées pour une société viable. Cette semaine, donc, on parle des biens communs. Hein? Oui, tout à fait. C'est une des caractéristiques, un des éléments intéressants de celui-là, assez original. C'est une notion qui est assez connue des économistes depuis longtemps, mais on n'en parle pas beaucoup dans les livres d'actualité, cette notion d'héritage commun à l'humanité. Qu'est-ce qui les biens qui devraient être accessibles, dans le fond, à tous les êtres humains? Parce qu'on a le signe de pièce un peu facile, là. C'est ça qu'on... Exactement. On va vous expliquer tout ça. Donc, les biens communs, c'est des foleries, ça. C'est des affaires de communistes. Eh bien, je te dis, quand même, bonne émission. Donc, alternative à la globalisation économique avec comme sous-titre « Un monde meilleur est possible » et un livre dont nous avons débuté, comme je disais, la présentation la semaine dernière. Et l'intérêt de ce livre, je le rappelle, c'est notamment le fait que les auteurs ne se contentent pas de dire que la mondialisation dérape, que c'est bien terrible. Peut-être, oui, mais on se contente pas de ça. On donne des avenues, des pistes de solutions. C'est ça qui est notamment très intéressant, avec des idées comme... revoir les règles du commerce international pour cesser de passer les producteurs locaux à la moulinette. Penser subsidiarité, on en a bien parlé la semaine dernière, ce qui peut être fait localement doit l'être en laissant aux grands ensembles seulement ce qui ne peut vraiment pas être traité sur le plan local. Placer l'équité et l'environnement au cœur des préoccupations et non pas les percevoir comme des obstacles. Cesser de virer fou aussi avec la croissance à tout prix, ne pas produire au-delà de ce qu'on est en mesure de gérer, de remplacer, de ce dont on peut disposer de façon sécuritaire, faire des droits de la personne, du droit à un niveau de vie suffisant pour subvenir aux besoins de sa famille, ainsi que du droit au travail, des incontournables de nos sociétés, assurer la sécurité alimentaire des individus, la primauté en agriculture à la production locale, réduire les écarts et faire preuve d'équité entre les pays riches et pauvres. Notamment, hein, là vous dites, oui, bon, hein, vaste programme, n'a fait de rien. Mais on aborde aussi dans ce livre-là le sujet des biens communs, donc, et pour mettre la table, avant d'en discuter d'ailleurs avec Jean-Claude, la mise en contexte est tout à fait appropriée. Et ça va comme suit. Il y a à peine 2 décennies, de grandes parties du monde n'étaient pas touchées par la globalisation économique. La majorité des gens sur la Terre vivaient toujours de l'agriculture et dépendaient très peu des marchés étrangers. Dans nombre de régions rurales, on s'échangeait les semences qu'on considérait comme une propriété collective et non pas la propriété privée de Monsanto ou de Cargill. Des 300 millions d'Autochtones dans le monde, la plupart vivaient complètement à l'écart du commerce international. Les réseaux d'aqueducs étaient habituellement contrôlés par les communautés ou les gouvernements locaux. La plus grande part de l'activité économique en Union soviétique, en Europe de l'Est et en Chine n'était pas reliée aux marchés mondiaux. La grande majorité des pays en voie de développement appliquaient certaines restrictions aux investissements étrangers dans les banques, les assurances et autres secteurs clés de leur économie. La plupart des bourses étaient nationales et restaient fermées aux investisseurs étrangers. Les transnationales avaient beau réclamer à corps et à cri qu'on les laisse pénétrer chacun de ces domaines, les communautés ainsi que les gouvernements nationaux et locaux maintenaient en place de solides barrières. Tout cela a bien changé. En 2 décennies de fondamentalisme de l'économie de marché, doctrine introduite par Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Helmut Kohl et leurs homologues d'autres pays, les frontières se sont rapidement écroulées. Dans certains cas, cela a pris la forme d'événements spectaculaires comme la chute du mur de Berlin, à laquelle chacun a pu assister en direct de chez lui, ou que ce soit dans le monde grâce à CNN. Dans d'autres, cela s'est produit en dépit d'une remarquable opposition de la part des citoyens, comme lors de l'adoption de l'ALENA en 1993 et la mise en place de l'OMC en 1994. D'autres batailles contre l'expansion du pouvoir des grandes entreprises ont eu lieu à l'échelon local, comme ce combat résolu que des ouvriers et des paysans boliviens ont mené pour empêcher Bechtel de mettre la main sur le système d'approvisionnement en eau et les luttes menées par les paysans indiens contre les prétentions de Cargill et de Monsanto aux droits de propriété sur leurs semences. Au cours de ces 2 décennies, les transnationales, fortement soutenues par un grand nombre de gouvernements nationaux, ont affirmé avec force leur droit d'accéder à tout marché où qu'il se trouve. Ainsi, aujourd'hui, leurs tentacules enserrent pratiquement tous les domaines de toutes les communautés à travers le monde, même les plus reculés. what he goes there for is to unlock the door. Alors Jean-Claude, commençons donc à en parler directement de ces biens communs, qu'on prend la peine d'ailleurs dans l'ouvrage pour un peu nous mettre sur la piste, les séparer en comme trois grandes catégories, hein, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Et ça, c'est assez intéressant parce que moi, comme bien d'autres, j'étais porté à penser au bien commun plus en termes d'environnement, donc de ressources naturelles. Oui, rapidement, d'instinct, on pense à ça. Mais effectivement, c'est la première catégorie, c'est la catégorie des biens communs, disons, de naturels, comme l'air, l'eau, les forêts, la terre, les ressources, les poissons de fond ou les poissons d'eau douce aussi. Mais il y a une deuxième catégorie qui serait les biens culturels, les cultures et les connaissances. Dans le fond, les connaissances sont des créations collectives de l'espèce humaine. C'est le théorème de Pythagore, ça appartient à tout le monde, ça appartient pas juste aux Grecs. Ouais. Et également, une troisième catégorie, les services publics, et ça, c'est très, très important dans le contexte politique actuel, où il y a des tentations un peu partout de reprivatiser des choses qui ont été nationalisées, ou même des choses qui ont toujours été publiques, comme les autoroutes, les ponts, les aéroports, etc. Donc, il y a cette notion qu'il y a des infrastructures, à la fois culturelles ou des institutions, des infrastructures matérielles également, qui doivent être considérées comme des biens publics. Malgré les catastrophes qu'on a connues, hein, entre autres, quand on prend des transports, il y a eu des gaffes, des erreurs, des réseaux d'eau, etc. Et puis, ça nous permet de relancer ça quand même. Oui, effectivement, là, il y a un mouvement de privatisation des infrastructures publiques, des services publics, notamment sous Mme Thatcher au Royaume-Uni, et ça n'a pas toujours été un grand succès. Il y a, dans bien des cas, le Royaume-Uni a dû revenir un peu en arrière sur ces mécanismes de privatisation. Et c'est des questions intéressantes. Évidemment, on tombe un peu dans la philo, si on veut. Dans le fond, c'est comme être humain se poser des questions sur ce qu'on doit faire avec ce qui est devant nous. Qu'est-ce qui, quelque part, à un moment donné, a fait en sorte qu'on s'est dit, ce bout de lopin-là, il est à moi, ce qu'il y a dessus, c'est à moi, puis bientôt, ce qu'il y a sur le tien va être à moi. C'est tout un... Il faut dire que moi, je pense que ce qui est intéressant, les mots dans ce cas-là sont très importants. Il y a le mot commun dans l'expression héritage commun ou bien commun. Et commun, dans le fond, ça veut dire ça s'oppose à propriété privée. C'est le débat de fond dans l'économique et en politique tout le temps. Qu'est-ce qui doit être géré par la collectivité, collectivité locale, comme on a parlé la semaine passée, ou une collectivité nationale, et qu'est-ce qui doit appartenir au privé? Donc, tout le débat tourne autour de ça. Puis c'est une question de degré. Il y a des choses où c'est assez évident que, je sais pas, la qualité, la salubrité de l'eau qu'on consomme, qu'on boit, ben c'est évident qu'on est peut-être mieux de s'en remettre au pouvoir public pour s'assurer une qualité de ça. Mais une question de degré, jusqu'où on doit arrêter, parce que les biens communs ultimes, dans le fond, un régime de biens communs ultimes, ce serait le communisme. Et voilà, tout moyen de production, tout service est sous la gouverne de l'État. C'est un extrême, on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Tout le débat politique tourne autour de qu'est-ce qui doit être un bien commun. Il y a des choses évidentes, d'autres qui le sont moins. Tout le débat tourne autour de cette question de la frontière entre le bien commun et ce qui doit demeurer une propriété, ce qui peut être une propriété privée. On aborde quand même des questions un peu plus directes, à savoir quand les auteurs s'insurgent contre la privatisation des terres communales. Entre autres, on s'intéresse à ce dossier-là particulier. Ça, c'est intéressant, ce dossier-là, parce qu'ils autres, ils en parlent dans une perspective qu'on a abordée ici lors d'ouvrages précédents, notamment celui de M. Chosudovski, c'est-à-dire que souvent, quand le FMI ou la Banque mondiale arrive dans un pays en voie de développement qui a quelques problèmes avec son budget ou sa dette, on lui dit, bon, on va vous aider, on va vous financer, on va vous prêter, mais il faudrait que l'agriculture soit plus productive, de sorte qu'on va privatiser ce qui appartenait un peu à tout le monde, là où tous les cultivateurs, tous les éleveurs vont faire paître leurs troupeaux dans des prés communs, des prairies communes. On dit, dorénavant, ça ne marche pas, c'est pas efficace. On va permettre que des grands propriétaires deviennent possesseurs et gestionnaires de ces espaces communs. Et ce qui a été, qui est dit aussi, qui est mentionné, puisqu'on constate d'ailleurs et on l'a dénoncé, c'est le fait que quand on débarque et qu'on prend possession de terre, ou encore qu'on force un agriculteur à abandonner son agriculture locale, ça bouleverse considérablement des sociétés. C'est pas juste des individus. On change des cultures, on change des sociétés au complet. Donc, ces questions-là sont fondamentales, profondes, mais importantes. Bien, c'est-à-dire, oui, on le vient encore. On a parlé dans nos émissions précédentes. C'est une des causes, peut-être, des mouvements migratoires qu'on observe présentement, puis qui déstabilise beaucoup les sociétés occidentales. Oui. Ça vient probablement, en partie, en tout cas, du fait que certains éleveurs, certains agriculteurs ont été dépossédés de leur gagne-pain et doivent migrer vers le nord pour trouver une nouvelle façon de subsister à leurs besoins et de faire vivre leur famille. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est un débat qui remonte au moins à la fin du Moyen Âge, c'est-à-dire les historiens de l'économie connaissent très bien l'épisode des lois sur les enclosures en anglais. C'est la loi, dans le fond, qui permettait en Angleterre, à la fin du 16e, début du 17e siècle, de mettre des barrières, mettre des clôtures autour de ce qui était auparavant des prés communaux. Auparavant, c'était comme dans le Far West du siècle dernier. Tous les agriculteurs pouvaient aller faire paître leurs troupeaux dans n'importe quel champ public. Le mouvement des enclosures, les lois sur le cloisonnement a fait en sorte qu'on n'avait plus accès à ça. L'effet que ça a eu en moyen terme, c'est-à-dire sur une base de 50, 100 ans, 200 ans, ça a créé tout un prolétariat en Angleterre. Les gens, les agriculteurs, qui comme les Africains ou les Mexicains ou les Boliviens d'aujourd'hui, ont dû migrer vers les grandes villes, vers Liverpool, Manchester, puis Londres. C'est devenu le prolétariat urbain. Ça faisait peut-être un peu l'affaire des industriels, la révolution industrielle, parce qu'il y avait effectivement des gens qui devaient s'employer pour pas cher, parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens de subsistance. Et on va très loin parce qu'on parle notamment de l'eau, pour revenir encore à ces éléments-là naturels, l'océan qui peut servir de dépotoir, on le sait très bien, on a vu des reportages là-dessus. C'est une dompe, l'océan, bien souvent. Et en parallèle, ben, on se dit que, tiens, l'eau douce, on va en profiter pour mettre ça dans l'échange commercial. Tu dis, waouh, ouais, on tire profit de tout ce qu'on peut, de chaque situation. Ouais, ben, c'est ça, les auteurs, ils rappellent une chose, moi, qui m'avait échappé, mais qu'ils mentionnent justement que lors des négociations commerciales, là, il y a peut-être une 15 ou 20 ans, sous le couvert de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, et de l'ALENA aussi, on a décidé, dans les accords, que l'eau va faire l'objet de commercialisation. Très bien. On revient dans quelques instants. On l'a abordé, effectivement, oui, parmi les folies qu'on se permet dans le merveilleux monde de la mondialisation économique, mais il y a la privatisation de l'eau. Hein? Ben oui, pourquoi pas? Et c'est merveilleux. Pourquoi se priver quand ça peut être privé, me direz-vous? Sur ce, donc, on écrit ceci. La marchandisation de l'eau douce. Même si la chose paraît impensable, l'eau douce, un héritage commun qui est rien moins que fondamental pour la survie de tout être vivant, est de plus en plus privatisée, marchandisée, exportée et commercialisée. C'est comme si l'eau était un bien ordinaire, comparable à de nouvelles composantes d'ordinateurs ou à des pneus, plutôt qu'une ressource partagée, irremplaçable et limitée, dont ont besoin toutes les créatures de la Terre. Dans plusieurs parties du monde, les droits à l'eau douce des lacs et des cours d'eau sont maintenant vendus à des géants comme Bechtel, Vivendi et d'autres. Avant de s'effondrer, Enron était aussi un acteur important sur le marché de l'eau. Ces entreprises ont commencé à faire payer chaque verre d'eau potable ou chaque litre d'eau destinée à l'irrigation. Les usagers fort nombreux, qui ne peuvent payer le prix demandé, sont tout bonnement privés d'eau, tout comme leur famille et leurs champs. Des entreprises privées partout dans le monde ont ciblé l'eau douce comme la dernière grande ressource naturelle inexploitée de laquelle ils pourraient tirer des profits. Elles sont rapidement en train de prendre le contrôle de l'eau et des services d'approvisionnement en eau pour lancer le commerce de ce que les auteurs Maud Barlow et Tony Clark ont appelé l'or bleu. En fait, l'eau est en train de devenir aussi convoitée que le fut l'or noir, le pétrole, à une autre époque. Les entreprises ont pu occuper en force ce domaine parce que l'eau a été définie par l'ALENA et l'OMC comme une marchandise pouvant faire l'objet d'échanges commerciaux. Une fois que le robinet est ouvert, c'est-à-dire une fois que des ententes sont conclues avec un État ou une municipalité quelconque pour privatiser l'eau ou les services d'approvisionnement y afférents, ils ne peuvent plus être fermés. Une fois que l'eau est privatisée, marchandisée et offerte sur le marché, elle n'est plus disponible pour les personnes qui en ont besoin, mais seulement pour ceux et celles qui peuvent la payer. À l'heure actuelle, contrairement à la croyance populaire, la plus grande partie de l'eau douce de la planète va à l'agriculture industrielle et au secteur manufacturier, notamment l'industrie des ordinateurs pour la fabrication des puces. Seulement une très petite partie sert à étancher la soif des gens et des animaux ou à arroser les champs des petits agriculteurs. Quelques 460 millions de personnes à travers le monde dépendent maintenant de firmes privées pour leur approvisionnement en eau, alors qu'elles n'étaient que 50 millions en 1990. Cependant, la résistance et la privatisation de l'eau croient au même rythme. Un puissant mouvement mondial de citoyens exige que l'on reconnaisse que l'accès au bien commun qu'est l'eau douce et son contrôle constitue des droits de la personne fondamentaux. Jean-Claude, je lisais ce segment-là et je trouvais ça élevé. C'est élevé quand même, quand on est rendu là. tu voulais donner des exemples très actuels. D'ailleurs, on a parlé de choses et d'autres tantôt. Mais il y a une série de choses qui se rapprochent de nous et qui nous concernent directement, d'ailleurs. Oui, bien, dans les trois grandes catégories de biens communs dont on parlait tantôt, là, que ce soit les ressources naturelles, les biens culturels ou les infrastructures, on en a parce que, prenons le dernier, au niveau des infrastructures, bien, on a régulièrement ici au Québec des pressions pour privatiser, par exemple, Hydro-Québec. Alors, Hydro-Québec, ouais. C'est quand même une ressource hydraulique, une ressource qu'on pourrait considérer comme appartenant à tous les Québécois. D'ailleurs, les Québécois considèrent effectivement cette ressource comme devant leur appartenir. Au niveau de la préservation des biens culturels, il y a eu des exemples, prenons des cas un peu dramatiques, là, comme le saccage des trésors culturels. Là. Dans ce cas-là, c'est des méchants, là, c'est Al-Qaïda, puis oui. L'État islamique, mais l'année passée, tout le monde a été un peu horrifié de ce qui est arrivé à la ville de Palmyre, qui est une ville antique là, de l'époque romaine. Avant ça, il y avait eu le saccage des Bouddhas là, en Afghanistan par Al-Qaïda. Mais si on revient au niveau des questions des ressources naturelles, un dossier qui a fait l'actualité cette semaine, c'est la proposition budgétaire de M. Trump là, qui menaçait de couper les vivres à la fois à l'Agence de l'environnement américaine, l'EPA, mais aussi réduire les budgets de façon dramatique, les budgets consacrés au nettoyage des grands lacs, en fait au traitement des eaux, là, à la préservation la qualité de l'eau potable des grands lacs qui, comme on sait, sont à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Et en écoutant une émission ce matin, on rappelait que c'est quand même 20 % des réserves d'eau potable de la planète. C'est considérable. Mais ça a un impact, bien sûr, immédiat sur les provinces et les États frontaliers, notamment l'Ontario et le Pennsylvanie, le New York, l'Illinois, etc., les États frontaliers et en aval sur le Québec, bien sûr. C'est sûr que là, si tu me parles sur Trump, on n'a pas fini, mais c'est quand même une succession de décisions qui mettent en péril un paquet de choses qui sont importantes, qui paraissent importantes et qui tombent pour la plupart d'ailleurs dans les biens communs. Mon Dieu, où est-ce que ça va aller tout ça? Évidemment, on peut se dire aussi que cette idée-là, est-ce que les biens communs, c'est absolument l'idée parfaite? Est-ce que on fonce là-dedans, les yeux fermés? Il y a peut-être des bémols aussi en même temps quelque part. C'est-à-dire que, comme je mentionnais d'entrée de jeu, c'est comme il y a un équilibre à établir entre complètement, seulement de la propriété privée ou seulement de la propriété publique. Là, je donnais l'exemple tantôt du communisme, qui est une version absolue, intégrale, intégrée, c'est-à-dire des biens communs. Mais la distinction est difficile à établir. Je pense qu'il faut tout faire examiner les pour et les contre, parce qu'une propriété privée absolue, c'est pas idéal, comme on vient de mentionner tantôt, parce qu'il peut y avoir des abus. On peut surexploiter certaines ressources en se préoccupant pas, dans le fond, d'en laisser pour ceux qui vont nous suivre. Mais une propriété complètement publique, ça peut être aussi plus ou moins efficace dans certains cas, parce que, dans le fond, ça ouvre la porte à de la corruption, par exemple. On peut donner des droits d'exploitation à certaines personnes qu'on préfère plutôt qu'à certaines autres. Ouais, c'est difficile de trouver le point d'équilibre entre les deux. Chaque société a un peu à définir ça. Et je pense que l'important, c'est de faire affaire aussi à des spécialistes, puis de confier ça. Nos auteurs, nos 21 auteurs, dans le fond, ont émis trois principes de base qu'il faudrait respecter. Puis un de ceux-là, c'est d'appliquer une conception moderne des fiducies, c'est-à-dire confier à des spécialistes, des agences spécialisées qui sont capables d'interpréter les besoins, d'interpréter les inconvénients de chaque solution, de leur confier, dans le fond, et de leur faire confiance pour gérer les ressources. C'est ça. Donc, le gestionnaire est le fait au nom de la population. Il est mandataire de la population C'est des gens qui connaissent les aspects techniques des dossiers. Prenons un exemple qui n'est pas très controversé. La Commission de protection du territoire agricole au Québec, c'est une agence qui est là. C'est un mandataire au nom du public de gérer les terres agricoles au Québec, qui a été créé il y a déjà maintenant 30 ou 35 ans. Puis je pense ils pensent qu'ils font une relativement bonne job. On n'entend pas souvent parler qu'il y a des problèmes de ce côté-là. Et dans les propositions que tu as évoquées, une des trois, en fait, dont tu as parlé, là, les trois propositions pour réhabiliter les biens communs, ils notent entre autres, il faut casser les pouvoirs qu'exercent les organisations mondiales du commerce, on le sait bien, hein, sur les biens communs. Ce qui est fondamental à la vie ne peut être privatisé. Subsidiarité, donc, qui devient importante, les décisions locales. Pas d'importation de biens nocifs aussi, c'est vrai, ça, quand on y pense, on se permet ces choses-là parce que ça peut être payant, mais si c'est nocif, c'est nocif. Puis il faut renforcer la portée et l'application des accords multilatéraux sur l'environnement. Évidemment, ce sont des choses qui se négocieraient à l'échelle internationale et pas sûr que le contexte est... Il faut se rappeler que le livre a été publié quand même ou écrit en 2003 ou 2004 et c'était à une époque où on avait encore très à l'esprit les manifestations de Seattle concernant l'AMI. Je pense que c'était, c'était l'accord sur le multilatéral sur les investissements qui faisait en sorte, dans le fond, que les investisseurs, les entreprises privées puissent poursuivre les gouvernements pour les empêcher, dans le fond, de faire de l'argent dans un pays. Alors, ce qu'ils recommandent, leur deuxième recommandation, c'est de dire, il faut toujours que les grandes conventions internationales, comme le protocole de Tokyo à l'époque, ou l'accord plus récent, l'accord de Paris sur les changements climatiques, il faut toujours que ça ait préséance sur les accords de commerce internationaux ou les règles de l'OMC. Voilà. Là, on s'arrête ici et dans quelques instants, on va maintenant parler des systèmes de mesure, hein, les systèmes de mesure qui sont aussi abordés dans cet ouvrage-là intéressant. Donc, c'est l'émission Econophile qui se poursuit au 89.1 CKRL avec David Lemelin au micro et la collaboration de l'économiste Jean-Claude Cloutier. Quelques mots quand même sur le Radioton qui s'en vient, bien sûr. Je vais vous donner ces petites informations-là. Donc, au cours des semaines qui suivent, vous le savez, on est en route vers notre événement radiophonique Radioton 2017 qui se tiendra les 31 mars, 1er et 2 avril. Et nous sollicitons votre appui par un don pré-Radioton ou encore en renouvelant votre carte de membre. Notre objectif, je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup m'amuser avec ça, 42 000 $, ce qui est le salaire moyen d'un PDG par jour. Votre soutien demeure essentiel, effectivement, pour notre radio, ça l'est. Vous le savez, on compte sur les membres, on compte sur vous. Donc, pour y accéder, pour ce faire, visitez simplement le www.ckrl.qc.ca. Merci beaucoup de la part de tous les artisans de cette magnifique radio. Maintenant, quant à nous, eh bien, nous vous présentons le livre « Alternative à la globalisation économique ». Et puis, on aborde dans ce livre-là une question intéressante qui interpelle tout particulièrement, d'ailleurs, les économistes, hein, le PIB, le produit intérieur brut. Oui, c'est... le poulet indien au beurre, c'est autre chose. Bref, le PIB est un outil, un incontournable de la vie économique, indispensable pour les politiciens, pour les économistes. Un outil qui n'est pas parfait. Et à ce propos, d'ailleurs, les auteurs écrivent la chose suivante. L'indice du PIB sert à mesurer la croissance économique annuelle et la plupart des économistes soutiennent que cette croissance est essentielle pour améliorer le sort des pays pauvres et des démunis. Or, selon nous, il s'agit là d'une théorie fausse et trompeuse. La détérioration écologique, liée aux indicateurs perçus comme positifs pour le PIB a des effets dévastateurs pour les moins nantis, car elle réduit les ressources, forêts, terres, eau, biodiversité, dont ils dépendent, diminuant ainsi leur capacité de subvenir à leurs propres besoins et accentuant leur misère. De toute façon, le PIB ne dit pas à qui profite la croissance, une question qui est pourtant d'une importance cruciale. Le PIB ne fait aucune distinction entre la production de biens et de services qui pourraient vraiment aider les démunis, aliments de base, services de santé, eau, logement, éducation, formation à l'emploi, et ainsi de suite, et celle de produits de luxe pour les riches, aliments raffinés, hôtels, terrains de golf, par exemple, notamment. Et c'est là une autre preuve de l'inefficacité du PIB comme indicateur de la performance d'un pays. Il arrive souvent que les pauvres s'appauvrissent en période de croissance économique rapide, car cette expansion résulte dans bien des cas d'un transfert systématique de ressources productives des couches défavorisées de la société à une minorité riche et puissante. C'est là un phénomène qu'on rencontre couramment dans les pays à faible revenu, où de nombreux projets de développement, souvent financés par la Banque mondiale et les banques régionales de développement qui lui sont associées, accaparent des terres dont les pauvres dépendent pour gagner leur vie, et ce, dans le but d'y pratiquer une agriculture industrielle ou d'y construire des barrages, des lieux de vacances pour les touristes, des domaines forestiers, des ensembles immobiliers et autres, conçus pour profiter à des gens déjà plus riches que les populations déplacées. Le contrôle des actifs productifs se concentre ici dans les mains des classes possédantes et les salaires diminuent, étant donné la disponibilité accrue de main-d'œuvre parmi les populations arrachées à leurs terres. Dans la logique de la croissance économique et du PIB, tout cela est considéré comme un progrès. J'aime bien reprendre la parole avec toi avec cette pièce-là qui était un des thèmes de Henri Guillemin que tu apprécies et que j'apprécie aussi. Oui, c'est un choix volontaire délibéré de ma part. Mais c'est parce que on peut le voir encore sur YouTube, n'importe quand. Vous faites ça, vous allez sur YouTube, Henri Guillemin, vous allez vous régaler. Jean-Claude, maintenant, je l'ai abordé en lisant une partie de texte qui mettait en contexte un peu l'idée du PIB. Et tu voulais qu'on aborde les systèmes de mesure parce que c'est bien présenté dans cet ouvrage-là. On pose des questions qui sont intéressantes sur les systèmes de mesure. C'est utile. On connaît, oui, le PIB et on a évoqué certaines faiblesses, là, mais bref, je te laisse. Oui, ben en fait, c'est une chose qu'on apprend dès les premiers cours en sciences économiques à l'université. On nous dit le PIB, c'est extraordinaire, c'est bien fun, mais ça a beaucoup d'inconvénients. Tu les as bien rappelés dans la lecture que tu as faite tantôt. Les auteurs donnent un exemple qui illustre très bien les lacunes du PIB. Ils disent, par exemple, une vie familiale harmonieuse n'apporte rien à l'économie, alors qu'un divorce est considéré positif. Parce que quand vous avez un divorce, vous êtes obligé de payer des frais d'avocat, vous êtes obligé de vous prendre, vous êtes obligé de prendre deux loyers plutôt qu'un seul. Ben, l'idéal, c'est de se séparer. C'est ça qu'il faut comprendre. Ben, ça ajoute au PIB, froidement, en tout cas. Mais ça montre. On a eu l'exemple il y a quelques années de l'ouragan Katrina en Louisiane. Le PIB de la Louisiane a augmenté de façon extraordinaire parce qu'il fallait reconstruire. Il fallait, en fait, déblayer les débris et il fallait reconstruire. Donc, des mauvaises nouvelles peuvent être, dans le fond, une bonne nouvelle pour le PIB. Ce que les auteurs disent qui est intéressant, les autres, ils préconisent plutôt ce qu'ils appellent un indicateur de progrès réel, c'est-à-dire un indicateur qui tient compte non seulement de la croissance des activités marchandes comme telles, des transactions, mais également des menaces, des inégalités, par exemple, du chômage, de l'épuisement des ressources, de la pollution, toutes des choses, dans le fond, qui font en sorte que le progrès, il est pas si évident que ça. C'est-à-dire, on gagne d'un côté, mais on perd de l'autre. Et moi, ce que j'aimerais mentionner, c'est qu'il y a un auteur au Québec, Harry Mead, qui est l'ancien commissaire au développement durable au Québec, qui s'est essayé, lui, à appliquer. Il a appelé ça l'indice du progrès véritable, mais c'est dans le fond, c'est la même notion que les auteurs du livre. Il s'est ingénié à trouver toutes sortes de chiffres pour montrer justement que le PIB, c'est bien gentil, mais si on enlève du PIB les nuisances que le PIB crée, que la croissance économique a créé, on en arrive à des résultats moins élogieux. Comme par exemple, il va mentionner dans son livre que je ne sais plus sur quelle période qui a établi ces mesures, mais il a mesuré, par exemple, que l'indice du progrès véritable a progressé deux fois moins vite que le PIB au cours des dernières décennies. Donc, disons, dans les années 90 et 2000, la croissance du PIB, on peut dire qu'elle a été peut-être de 30 %, mais lui, d'après ses calculs, serait plutôt de 15 % si on enlève les nuisances à l'environnement qui ont été associées à la croissance économique. Mais c'est très intéressant. Évidemment, est-ce que c'est une bonne idée de manière générale? En tout cas, il n'y a pas d'outil parfait. Peut-être que d'avoir plusieurs outils donne un portrait meilleur. Moi, j'ai fait une petite recherche là-dessus il y a quelques années. Parce que depuis 7-8 ans, même un politicien québécois comme Raymond Bachand, qui était ministre des Finances, lui parlait qu'il fallait travailler sur le bonheur national brut. C'est repris régulièrement par des politiciens. Sarkozy, en France, a fait la même chose. Il a même commandé des études à Stiglitz et autres. On essaie d'arriver à un indicateur qui reflète mieux le progrès véritable, comme les auteurs de notre livre le préconisent. Mais c'est très difficile parce que tous ces nouveaux indicateurs-là sont plus difficiles à mesurer. Ils bougent moins vite que des variables comme la production matérielle. Puis, des fois, ça te prendrait tout un tableau d'indicateurs plutôt qu'un seul. Alors, le PIB, son grand avantage, c'est un chiffre, puis qui varie d'une année à l'autre. Puis, les politiciens, puis les médias, les journalistes aiment ce genre de choses qui sont faciles à communiquer. On est capable très vite de dire, oui, la croissance du Québec a été de 1 % l'an passé ou 2 % et comparativement à l'Ontario qui est à 2,5. Donc, c'est relativement facile à communiquer. C'est le grand avantage du PIB. Mais trouver un remplacement, c'est difficile. Mais si je peux me permettre une petite anecdote, parce que ça a bien fait rire les économistes il y a plusieurs années, c'est que le Bhoutan, un petit état de l'Himalaya, il y a d'ailleurs pas des réfugiés, mais des immigrants bhoutanais ici à Limoilou. Mais enfin, le Bhoutan, il y a une vingtaine d'années, a décidé de mesurer le bonheur national brut. Il a peu soulevé un peu d'ironie chez les économistes, mais il applique encore cette mesure-là. Je ne sais pas comment il la calcule, par contre. C'est intéressant. Chez nous, on a plus des boutonneux, peut-être. En tout cas, bref, c'est correct. Il y avait aussi un élément intéressant qu'il fallait aborder, c'est le taux de chômage. Là, on va tomber dans le technique. Je vais écouter mon économiste, mais on met en question cette idée-là. Un des 21 auteurs du livre, il mentionnait, lui, que c'est un embat qu'on entend, c'est un débat de spécialistes, effectivement, que les gouvernements, notamment aux États-Unis, ils appliquent un concept qui est le taux de chômage non inflationné, c'est-à-dire qu'il voit une espèce d'équilibre à trouver entre si on travaille trop pour lutter contre le chômage, on risque de créer de l'inflation, puis les autres, ils préfèrent lutter contre l'inflation, puis quitte à avoir un niveau de chômage un peu plus élevé, parce que ça a l'avantage, encore là, que les chômeurs sont moins exigeants pour accepter les emplois qu'on leur offre. On a encore un exemple très récent cette semaine, la Banque fédérale américaine, la Banque fédérale des États-Unis, a augmenté son taux directeur, son taux d'intérêt, justement parce qu'on trouve que le taux de chômage est rendu un peu trop bas. Ça commence à les inquiéter parce qu'ils disent si le taux de chômage est trop bas, les travailleurs vont pouvoir exiger des salaires plus élevés et ça, c'est pas très bon pour l'économie. C'est quand même assez... J'ai envie de dire que c'est sadique, ce que tu dis, là, parce que c'est quelque chose, là. Quand on dit qu'on va jouer avec des paramètres économiques pour être capable d'avoir le contrôle sur des travailleurs qui pourraient améliorer leur sort. Ben, je dois dire que c'est pas tout le monde qui aura la même vision des choses. Moi-même, je le dis avec un petit sourire, je trouve que c'est une vision un petit peu négative. Je suis pas sûr que Mme Yellen, la présidente de la Fed, ait une vision aussi cynique que ça. Mais ce que les économistes et politiciens ont à gérer, dans le fond, c'est un équilibre entre l'inflation et le chômage. Ouais. Puis les deux, c'est deux problèmes. Alors, il faut que je choisisse quel équilibre qu'ils veulent entre les deux. Merci. well, well. Oui, des fois, on est un peu sombre dans nos propos. Mais on décrit la réalité, dans le fond, c'est ça qu'on fait. Et puis, à la fin du livre, donc, pour passer à l'action, c'est comme ça, d'ailleurs, que s'intitule ce chapitre-là, « Passer à l'action », on vous propose tout plein d'idées. Devenir des consommateurs éclairés, acheter local, participer à un programme d'agriculture soutenu par la communauté, soutenir le commerce équitable, créer et soutenir des coopératives de travailleurs, etc., etc. Donc, toutes sortes de propositions. Et on vous dit en terminant que vous n'êtes pas seul à vouloir du changement. Ah, ben, tiens, un peu d'espoir dans l'horizon quand même, malgré tout. Au cours de la dernière décennie, nous, les 21 auteurs de ce livre, avons rencontré des centaines de milliers de personnes à l'occasion de divers événements. Manifestations, expériences sociales, réunions internes d'organisations, audiences nationales, séminaires internationaux et forums sociaux mondiaux. Ce qui nous a permis de voir la colère face à la globalisation de l'économie céder la place à une attitude d'espoir pour l'avenir. Hein? Cet espoir se fonde sur de nombreux événements prometteurs, du déclin de la légitimité des institutions clés de la globalisation économique, à l'émergence de nouveaux gouvernements qui rejettent les anciens modèles, en passant par l'essor de nombreux regroupements de citoyens et de mouvements populaires. Plus fondamentalement, l'espoir se fonde sur l'éventail remarquable des solutions de rechange en œuvre qui vont des réformes fragmentaires aux transformations à l'échelon national effectuées dans des pays comme le Brésil, en passant par les expériences et projets économiques locaux aux accents visionnaires. Le discours fallacieux que nous servent depuis plusieurs décennies les chantres de la globalisation qui, à la suite de Margaret Thatcher, nous répètent ad nauseam que nous n'avons pas le choix, a bel et bien été démenti. Il existe d'innombrables alternatives. La perte de légitimité des institutions qui préconisent la globalisation de l'économie, conjuguée à la force politique d'une société civile plus vivante, crée un contexte favorable sans précédent pour repenser et réformer les piliers de la vie économique, faire avancer la démocratie et réaliser notre rêve séculaire de liberté, de justice et de prospérité pour tous les êtres humains. Tout au long de ce livre, nous avons tenté d'outiller les lecteurs en présentant de nouvelles façons d'envisager les alternatives à la globalisation néolibérale, en exposant les principes sur lesquels des groupes de citoyens fondent leurs actions et en décrivant ce que font des citoyens partout dans le monde pour édifier un monde meilleur. Les changements positifs peuvent certes s'opérer par l'action collective, mais beaucoup peut se faire également à l'échelle individuelle. Transformer le système économique mondial est une tâche énorme qui demandera du temps et l'engagement de nombreuses personnes. Chacun de nous, cependant, peut dès maintenant faire des gestes qui contribueront à rendre le monde plus équitable et viable. Claude, je t'ai starté un peu vite. Ouais. On se pratiquait là, hors d'onde. Okay. Donc, pour parler du chiffre de la semaine, effectivement, qui est lié avec ce qu'on vient de raconter. Effectivement, les choix des unités de mesure, c'est intéressant ces données-là. Oui, bien, ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, c'est que l'Institut de la statistique du Québec a sorti des chiffres là, récents qui comparent le Québec aux autres provinces canadiennes, aux 9 autres provinces du Canada, et dans lesquelles le Québec apparaît assez mal. Les commentateurs dans les médias ont beaucoup mis l'accent sur le revenu personnel disponible. Et là, le Québec arrive en dernier lieu, c'est-à-dire on est même descendu d'un cran. Avant, on était les avant-derniers avant l'Île-du-Prince-Édouard. On est maintenant rendu la dernière province en termes de revenu personnel disponible, c'est-à-dire revenu personnel disponible par habitant est de 26 900 $ au Québec. Ouais. Et alors que l'Île-du-Prince-Édouard, c'est 27 300 $. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça montre comment les chiffres sont importants. Le choix des indicateurs est important. Le mot « disponible » là-dedans, ça veut dire « c'est après impôt ». Et comme on le sait, les Québécois sont peut-être plus taxés, sont sûrement plus taxés que les autres Canadiens, mais c'est en échange de services, d'éducation, de garderie, de toute nature, qui font que c'est un choix, dans le fond, politique, un choix de société, qui fait qu'ils ont moins de revenus dans leur poche une fois qu'ils ont payé l'impôt. C'est pour ça que c'est intéressant de prendre d'autres données. Si on prend plutôt la production, le fameux PIB dont on a parlé tantôt, avec tous ses défauts par habitant. Là, le Québec arrive plutôt en septième position. Donc, on reprend le dessus sur l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Mais Terre-Neuve est encore en avant de nous autres parce qu'il y a la production pétrolière. Puis si on prend le chômage, par exemple, qui est quand même un indicateur de bien-être intéressant, là, le Québec arrive en troisième position au Canada. C'est-à-dire, il y a seulement, je pense, le Manitoba et la Colombie-Britannique qui ont une meilleure performance, qui ont un chômage inférieur au Québec. On a parlé quelques reprises récemment. Moi, ça m'étonne toujours de voir que le Québec fait meilleure figure que l'Ontario. Dans ce cas-là, c'est pour l'année, c'est pour janvier 2017, donc assez récent. Donc, dépendant de l'indicateur qu'on prend, on peut paraître très bien ou très, très mauvais. Les choix ne sont pas neutres. Les choix d'indices que l'on prend pour apprécier la performance économique ne sont pas innocents, finalement. Bien, d'ailleurs, tu l'évoquais toi-même dans ton livre, hein, ce segment que tu consacres au fait qu'on prend les indicateurs qui font parfois un peu pas mal notre affaire, finalement, alors que quand on s'intéresse au bonheur, est-ce que les gens sont heureux de manière générale au Québec, on se rend compte que le Québec fait bien, moins sur les indicateurs un peu plus techniques, si on veut. Exactement ça, oui. Maintenant, en fait, tu avais d'autres données. Je ne sais pas si tu veux aller jusqu'à liste en bas, là, mais c'est pas inintéressant non plus. Oui, bien, c'est ça. Il y a un autre indicateur cette semaine qui est intéressant, qui est un lien, dans le fond, avec ce qu'on disait, la qualité de vie. C'est que l'indice Mercer, qui est publié une fois par année, qui regarde les grandes villes, la qualité de vie dans les grandes villes en Amérique du Nord. On est habitué au Québec de se faire dire qu'à Montréal, il y a beaucoup de pauvreté. C'est vrai, il y a beaucoup de difficultés à Montréal, mais il reste que Montréal arrive au 23e rang dans le classement mondial de l'indice Mercer. Donc, arrive devant toutes les villes américaines, toutes les villes des États-Unis, et même devant San Francisco. C'est quand même, moi, je trouve ça un peu réconfortant. Oui. Je préfère me faire dire qu'on est meilleur que San Francisco, que pire que l'île du Prince-Édouard. Oui, mais donc, là, vous allez les retenir, vont dire, c'est quoi qu'il dit? C'est la qualité de vie urbaine. Montréal, à ce chapitre-là, 23e rang mondial. Pour ce qui est de la pollution de l'eau, là, ça a dû se gâcher un peu avec ce qui s'est passé là. Bref, intéressant de constater ça. Donc, on devance, c'est Paris, je vois Paris, je sais pas comment, OK, en deuxième rang, c'est Paris. Non, c'est une autre statistique, ce qu'on a devant les yeux. Là, c'est un autre indicateur intéressant. Pour les études universitaires, il y a un autre indicateur. On demande aux étudiants qui étudient à l'étranger, à quel endroit qu'ils préfèrent étudier. Montréal se classait toujours assez bien, selon différents indicateurs, mais là, on arrive les premiers au monde. Montréal serait l'endroit dans le monde où les étudiants internationaux préfèrent aller étudier. Ah ben. Devant Paris. Paris était au premier rang l'an passé. On a devancé Paris là-dessus. On est devant Londres, on est devant Melbourne, enfin, toutes sortes d'autres villes intéressantes. OK, ça a quand même bougé pas mal parce qu'on voit les chiffres. Je comprends, merci. Maintenant, parlons un petit peu d'actualité sur ça pour rebondir, parler de budget. On va parler beaucoup de budget cette semaine, d'ailleurs la semaine prochaine. On va parler fédéral cette semaine, provincial la semaine suivante. Budget fédéral le 22 mars, Québec, ça va être le 28. Et évidemment, il y a toujours beaucoup d'attentes. Et tu en sais quelque chose, toi, qui étais dans l'appareil pendant de nombreuses années? Oui, moi, j'étais dans l'appareil plus provincial, bien sûr. Mais même au fédéral, c'est beaucoup d'attentes. Mais là, M. Morneau a déjà commencé à nous préparer en disant qu'il n'y aura pas grand-chose de spectaculaire dans le budget de cette année. Mais on a mis la main, il y a quelques jours, sur le budget fédéral alternatif, des recommandations, en fait, du Centre canadien des politiques alternatives, qui est une espèce de boîte de réflexion plus progressiste, plus à gauche. Et eux rappelaient à M. Morneau que tout ne va pas si bien au Canada. Ouais. Même si on aime bien parfois se péter les bretelles et dire qu'on est meilleur que les États-Unis ou que d'autres pays. Ils rappelaient, par exemple, qu'il y a 4,5 millions de Canadiens qui vivaient sur le seuil de la pauvreté, dont près d'un million d'enfants, 991 000 enfants en 2014. Alors, mais quand même, sur 33 millions de population, c'est énorme. C'est quand même énorme. Faire semblant que ça existe pour un pays qu'on aime croire quand même comme parmi progressiste et tout. Membres du du G7, membre du G20, etc., très avancé. Un Canadien sur 8 souffre régulièrement d'insécurité alimentaire. Un Canadien sur 8, c'est beaucoup de monde, ça. Je sais pas si au Québec, c'est peut-être même 1 sur 7 au Québec. Puis il y en a 800 000 qui visitent une banque alimentaire à chaque mois. Ce sont des choses préoccupantes. On verra si M. Morneau s'en préoccupe. Il reste que dans le cas de M. Morneau, toujours l'excuse de dire « Ouais, mais c'est un partage avec les provinces, puis les questions sociales, c'est plus les provinces qui s'en occupent. » Enfin, on verra, mais tout ne va pas... tout n'est pas rose quand même au Canada. Il y a quand même matière là, pour les gouvernements à demeurer progressistes. Et en même temps, ben, on n'est pas dans une mouvance où on sent que... Ben, en fait, c'est ça qu'on va voir, c'est qu'on semble mettre le frein quand même dans une certaine mesure, si on regarde même ailleurs dans le monde, dans le soutien, dans la contribution générale aux plus démunis, on dirait qu'on fait l'inverse. On veut tellement être prudent avec nos sous qu'on se dit, ben, tout le monde va payer un peu. Ben, tout le monde tout le temps est même, finalement. Là, mais on sent ça. Autrement dit... Je suis pas certain qu'on va se lancer tellement dans le soutien plus démuni. On va être encore prudent, dire soyons prudents, faisons des surplus, puis un peu. Exact. Ben, c'est bien ça, oui. Puis d'ailleurs, le Centre canadien des politiques alternatives rappelait que notre régime fiscal là, continue d'accorder de grands avantages aux salariés, aux ceux qui ont les revenus les plus élevés. On rappelait, par exemple, que le crédit d'impôt pour les gains en capital profite à plus de dans une proportion de 87%. 87% de la valeur des crédits d'impôt profite à seulement 1% des Canadiens les plus riches. Donc, exemple, là, si j'avais 1 million de crédits d'impôt qui est accordé, bien, il y en a 870 000 là-dessus qui vont aux 1% les plus riches au Canada. Donc, le Centre canadien des politiques alternatives trouvait qu'il y a peut-être matière à répartir le gâteau un peu plus équitablement dans ce cas-là. Oui, parce que tu m'as ressorti des statistiques aussi de deux Canadiens. Les deux Canadiens les plus riches détiennent le même avoir que la tranche de 30% la plus pauvre de la population. Quand tu dis un chiffre qui a l'air, qui te dit ce qu'il en est... Il faudra aller les solliciter pour le radioton de CKRL. C'est une heure de boulot pour eux. Là, la blague, elle tient la route, le rendu là. Non, c'est un pays qui a des écarts importants. C'est un pays qui a des difficultés, qui a des plus démunis et qui a une richesse collective importante, c'est sûr. Le Québec, Québec et le Canada se démarquent, mais... Peut-être un dernier élément qui va un peu dans le même sens. Toujours le Centre canadien des politiques alternatives rappelait que depuis 10 ans, le taux d'imposition au gouvernement fédéral pour les entreprises a été réduit de près de 50%, alors que ces mêmes entreprises ont accumulé plus de 500 milliards de dollars en surplus de trésorerie. Ça, c'est surplus de trésorerie, c'est de l'argent, des profits qu'ils ont fait puis qu'ils ne savent pas trop quoi faire avec. Il y a place à Wall Street pour faire de la spéculation. Écoute, moi, j'aurais des idées. Des suggestions, on peut faire le tour. S'il y a des gens qui sont dans le besoin, qui aimeraient bien ça, avoir un petit coup de main. Toi qui as effectivement été dans l'appareil gouvernemental, est-ce qu'on attend impatiemment le budget fédéral quand il se présente ou les ententes sont déjà pas mal toutes signées et on peaufine les derniers détails? Moi, je pense que tout est pas mal réglé. Je pense que ce qui est important pour le budget du gouvernement du Québec, c'est plus ce qui se passe au niveau de la péréquation, mais ça, je pense que c'est canné depuis quelques années. Okay. À tous les 3 ou 4 ans, ils renégocient un peu les accords, puis là, c'est stable pour les années à venir. Il y a les questions du financement de la santé qui a été discuté par M. Barrette et ses homologues des autres provinces, mais on sait que ça n'a pas tourné exactement comme le gouvernement du Québec le souhaitait dans ce cas-là. Donc, je pense pas qu'il y ait de grandes surprises pour le gouvernement provincial, mais le gouvernement provincial, lui aussi, tu l'as mentionné tantôt, il déposera son budget dans une dizaine de jours. Oui. Il serait peut-être intéressant de l'évoquer la semaine prochaine ou quelles sont nos attentes à cet égard-là. Nous le ferons. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci. Donc, alternative à la globalisation économique, un monde meilleur est possible. Deuxième semaine de présentation de ce très intéressant ouvrage d'un collectif sous la direction de John Kavanagh et Jerry Mander du Forum international sur la mondialisation, publié chez Éco-Société, c'est en 2004, en tout cas la version anglophone. À lire, donc, pour réaliser ce qui se passe, pour avoir des solutions, des pistes et vous donner peut-être envie d'en faire un bout vous-même. Et on vous en donne d'ailleurs des solutions plein. Alors, c'est déjà tout pour nous. Émission spéciale dans quelques instants en direct de la bouquinerie Nouvelle Chance. Bonne semaine. Merci beaucoup, Jean-Claude. Un plaisir, comme toujours, de parler. Un plaisir merci aussi. Merci beaucoup. Pour les cours aussi, d'ailleurs, que j'ai gratuitement chaque semaine. Alors, merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à écouter en balado. Visitez econophile.net. À samedi prochain. Merci beaucoup.